marcher sur les mains. J'aime bien regarder l'océan. Tous ces gens sont tout à fait charmants, à part le grand Fernand qui m'a cassé trois dents. Ne crie pas, pas que je te sers comme cela. Moi qui aime dans la douceur de ta voix. Ne crie pas, pas que je te sers comme cela. Moi qui aime dans la douceur de ta voix. J'aime bien la couleur de sa peau qui luisait sur le sable. Hier très tôt je me suis approché alors qu'elle dormait. J'ai tout simplement commencé à rêver. Ne crie pas, pas que je te sers comme cela. Moi qui aime dans la douceur de ta voix. Ne crie pas, pas que je te sers comme cela. Moi qui aime dans la douceur de ta voix. Caresser son corps, elle s'est mise à crier sans que je n'ai rien demandé. Sur l'étendue de sable, nous avons gambadé. C'est là, là que je l'ai étranglée. Ne crie pas, pas que je te sers comme cela. Moi qui aime dans la douceur de ta voix. Ne crie pas, pas que je te sers comme cela. Moi qui aime dans la douceur de ta voix. Ce que tu as fait. J'ai dit oui, la poupée. La poupée. Eh ben voilà.